إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc الحمد لله. Ça me fait plaisir d'être avec mes frères aujourd'hui au centre Al-Furqan, en Belgique, dans la ville de Bruxelles. Et Alhamdoulilah, c'est pas la première fois que on se retrouve ici, puisque Alhamdoulilah, depuis plusieurs années, on a eu l'occasion de venir visiter nos frères ici. Et puis ça fait toujours plaisir, Alhamdoulilah, de se réunir ensemble pour lire les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les paroles des ulama et les explications de nos salaf salih. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis alhamdoulillah, vous avez eu la visite dans les dernières semaines des frères qui sont, masha'Allah, des frères tulab ilm, qui sont bien établis dans la science et qui sont bien plus connaissants que moi. Et j'espère que, inshallah, vous avez profité d'eux, comme le frère Suleiman al-Guadloupi, le frère Ammar, et ainsi que d'autres parmi les mashaykhs qui vous ont visité, comme Cheikh Mohamed ibn Ramzan al-Hajiri et d'autres parmi les shuyukh également. Donc, alhamdoulillah, je viens juste, inshallah, faire peut-être un petit rappel avec vous, puisque vous avez déjà eu ou profité de ces frères-là déjà. Donc, alhamdoulillah, ça vient juste rajouter un petit peu plus de fawaid, inshallah, et de bien. On espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne al-ikhlas et al-sidq, la sincérité et la véracité dans nos paroles et dans nos actions et dans nos intentions, et qu'il accepte yani nos œuvres au jour de la résurrection. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? On va lire une conférence du Cheikh Saleh Al-Fawzan, et puis bien entendu on va pas la compléter en une seule session, on va la faire en plusieurs parties inchallah. Et le titre de cette conférence du Cheikh Saleh Al-Fawzan, c'est Wujub at-tathabbut fil akhbar. Wujub at-tathabbut fil akhbar wa ihtiram al-ulama wa bayan makanatihim fil umma. وجوب التثبت في الأخبار واحترام العلماء وبيان مكانتهم في الأمة. C'est-à-dire l'obligation de vérifier les informations et de respecter les ulama et la clarification de leur statut dans la Umma. La clarification de leur statut et de leur importance dans la Umma. Toutefois, j'ai réintitulé cette conférence avec un titre de ma propre invention, si on veut, inshallah, pour que ça rentre plus avec le contexte de ce que je vais expliquer en même temps par rapport à la situation de ce qui se passe chez nous et de ce qui se passe ici aussi et un peu partout dans le monde en ce moment. C'est « Oh jeune frère, ne te fais pas avoir ». Donc c'est ça, c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler cette conférence, inshallah. Et donc on va commencer tout de suite. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله خاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم واهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Donc le cheikh il commence, Bismillahirrahmanirrahim, il dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et paix et salut et bénédiction sur son serviteur et son messager, le dernier des prophètes, le prophète Mohammed, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme une miséricorde pour les mondes, et ainsi que sur ses fidèles et sur ses compagnons et sur ses femmes qui sont pures et pieuses, et sur les tabi'in, ceux qui les ont suivis de la meilleure façon et qui ont été guidés par sa guidance et qui ont suivi ses traces jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, le cheikh il commence par réciter les versets 202 à 106 dans surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah le plus ou comme il mérite d'être craint. Craignez Allah comme il mérite d'être craint et ne mourrez excepté qu'en étant des musulmans. Et accrochez-vous tous ou cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis et qu'il a réuni vos cœurs et que vous êtes devenus des frères par sa grâce. Et vous étiez au bord d'un gouffre ou d'un ravin de feu et il vous en a sauvé. C'est ainsi qu'il clarifie pour vous ses signes pour que vous puissiez être guidés. Et qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle au bien, qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Et ceux-là, ce sont ceux qui auront le succès. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après avoir reçu les preuves claires, et ceux-là auront un grand châtiment. Le jour où des visages deviendront sombres, le jour où des visages deviendront clairs et des visages deviendront sombres, ceux dont les visages deviendront sombres, on leur demandera: avez-vous mécru après avoir reçu la foi ou après avoir eu la foi? Alors goûtez au châtiment pour avoir mécru. Donc ces versets-là, le cheikh il va les expliquer maintenant. Il commence à faire le tafsir de ces versets. Et vous allez voir qu'est-ce que ces versets contiennent comme enseignement, comme sagesse, comme ordre et comme interdiction, et ainsi de suite. Le cheikh il dit: فهذه الآيات الكريمة يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين لأنهم الذين يتمثلون أوامر الله ويصغون لندائه. فالله سبحانه وتعالى يأمرهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. معنى التقوى، ما معنى التقوى؟ التقوى معناها في اللغة أن تتخذ بينك وبين ما تكره وقاية وحائلا يحول بينك وبين ما تكره، كما يتخذ الإنسان الثياب يتقي بها البرد والحر، ويتخذ الدروع ليتقي بها سهام الأعداء، ويبني الحصون ليتحصن بها من كيد الأعداء، كما يلبس على رجليه ما يقيمهما من حر الشمس أو ما يقيهما من حر الرمضاء ومن الشوك والحفاء. ومن فعل ذلك فقد اتقى هذه المحاذير. ولكن تقوى الله لا تكون لا باللباس ولا بالحصون ولا بالسلاح ولا بالجنود، وإنما تكون تقوى الله عز وجل بطاعته وامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فتقوى الله معناها أن تفعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به رجاء ثوابه، وأن تترك معصية الله خوفا من عقابه. وحق تقاته معناها أن الإنسان لا يترك شيئا مما أمر الله به إلا فعله، وأن لا يفعل شيئا مما نهى الله عنه بأن يتجنب، كلما نهى الله عنه. Donc le cheikh il dit dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala il appelle ses serviteurs qui ont cru, parce que ce sont eux qui vont mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont prêter l'oreille à son appel. Donc il dit, oh vous qui avez cru. Donc il s'adresse aux mu'minines, parce que c'est eux qui vont profiter. Et il dit, craignez Allah comme il mérite d'être craint. Et le cheikh explique, qu'est-ce que ça signifie, at-taqwa, hein? At-taqwa, on traduit parfois par la crainte, on dit, hein? Craignez Allah comme il mérite d'être craint. Toutefois, at-taqwa, ça signifie pas la crainte. En français, il n'y a pas de mot, il y en a qui peut donner la vraie signification de ce que ça signifie. Il faut l'expliquer donc. Il faut donner des explications pour savoir, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, at-taqwa. Et dans la langue arabe, le cheikh, il dit que le mot taqwa, c'est de prendre, de faire en sorte qu'il y ait entre toi et ce que tu n'aimes pas, une protection. C'est de faire en sorte qu'il y ait entre toi et ce que tu n'aimes pas, une protection ou une barrière qui te protège de ce que tu n'aimes pas. Donc, par exemple, le cheikh, il dit, tu mets des vêtements pour te protéger du froid l'hiver et pour te protéger de la chaleur brûlante du soleil le jour. Aussi, tu vas prendre un bouclier, tu vas prendre également, comme on dit, quand quelqu'un part à la guerre, il va mettre une armure, barakallahu fikoum, pour protéger contre les flèches que les ennemis vont tirer sur lui. Et également, tu vas prendre des murailles, tu vas construire des forteresses pour te protéger contre l'ennemi qui va essayer de faire des ruses contre toi. Et tu vas mettre dans tes pieds des chaussures ou des sandales ou quelque chose pour te protéger contre la chaleur brûlante du sol et contre les épines et autres choses qui pourraient te blesser dans tes pieds. Donc tout ça tu le fais pour te protéger de ce qui peut t'amener quelque chose de mal. Toutefois, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ou at-taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas par les vêtements, c'est pas par les forteresses ou par les murailles, c'est pas par les armes ou par les armées. Il dit, le cheikh, que la taqwa, le fait d'avoir la taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est uniquement par le fait d'obéir à Allah et de mettre ses ordres en application et de s'écarter de ce qu'il nous a interdit de faire. Donc, taqwa, qu'est-ce que ça signifie par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'islam? C'est que c'est de faire ce que Allah t'ordonne de faire en espérant sa récompense, et d'abandonner ou de délaisser ce qu'il t'a interdit de faire par crainte de son châtiment. Hein? Et حق تقاته, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit حق تقاته, اتقوا الله حق تقاته. Donc ayez la taqwa et faites en sorte que cette taqwa soit comme Allah mérite, comme Allah le mérite. Qu'est-ce que ça signifie حق تقاته? Le cheikh il dit أن الإنسان لا يترك شيئا مما أمر الله به إلا فعله وأن لا يفعل شيئا مما نهى الله عنه بأن يتجنب كل ما نهى الله عنه. Ça veut dire حق تقاته, ça veut dire que tu abandonnes rien de ce que Allah t'a ordonné. Tu vas tout faire et tu vas délaisser tout ce que Allah t'a interdit. Il n'y a rien de ce que Allah t'a interdit excepté que tu vas t'en écarter. C'est ça taqwa حق تقاته, أن تتقوا الله حق تقاته. Le cheikh il rapporte maintenant l'explication d'Abdullah ibn Mas'ud au sujet de la parole ou du verset lorsque Allah dit تقوا الله حق تقاته, qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر ومن فعل ذلك فقد اتقى الله حق تقاته. الشيخ الزي عبد الله بن مسعود il a dit, quand Allah il dit craignez Allah comme il mérite d'être craint, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il soit obéi et qu'il ne soit pas désobéi. Qu'il soit celui, c'est-à-dire que tu te souviennes de lui, que tu fasses son rappel et que tu ne l'oublies jamais. Et que tu sois reconnaissant envers lui et que tu ne sois jamais ingrat. Et il dit, celui qui a fait ça, alors il a craint Allah comme il mérite d'être craint. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutefois, il y a un autre verset dans le Coran qui vient clarifier la signification de ce verset-là. Haqqa tuqatihi. Le Cheikh dit, walakin ahadan la yastati'u an yaquma bihadha. لن يستطيع أن يفعل كل ما أمر الله به ولا يترك شيئا وأن يتجنب كل ما نهى الله عنه ولذلك أشكلت هذه الآية على بعض الصحابة فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله فاتقوا الله ما استطعتم فكانت هذه الآية مبنية مبينة لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته فإذا قام الإنسان بما يستطيع فقد اتقى الله حق تقاته لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده إنه لا يكلفهم ما لا يطيقون. Le Cheikh il dit donc, maintenant si on parle de craindre Allah comme il mérite, est-ce que quelqu'un est capable de craindre Allah comme il mérite dans le sens qu'on a mentionné, c'est-à-dire qu'il va faire tout ce que Allah a ordonné, qu'il va rien laisser et qu'il va s'écarter de tout ce qu'Allah a interdit, il va rien faire de ce qu'il a interdit, absolument, jamais, il va jamais faire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un est capable de faire cette chose-là? Le Cheikh, il dit, c'est certain que quelqu'un n'est pas capable de le faire. C'est-à-dire, quelqu'un n'est pas capable de faire tout ce qu'Allah a ordonné sans rien laisser, et de s'écarter de tout ce qu'Allah a interdit sans jamais faire rien de ce qu'il a interdit. Et c'est pour cette raison que ce verset a causé un certain problème à certains compagnons. C'est-à-dire, ils n'ont pas compris sa signification ou ils ont trouvé peut-être qu'ils ne savaient pas comment faire pour l'appliquer. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un autre verset dans surat At-Taghabun, le verset 16, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ » C'est-à-dire, craignez Allah comme vous, hein, le plus que vous en êtes capable. Le plus que vous en êtes capable. Et donc, ce verset-là vient clarifier l'autre verset dans Surat Al-Imran, « اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ » Donc, si quelqu'un a craint Allah comme il est capable de le faire, selon sa capacité, « Wa alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh », alors il a craint Allah comme il mérite d'être craint. Si quelqu'un craint Allah et il a la taqwa d'Allah comme Allah le mérite, eh bien, ça veut dire s'il fait qu'est-ce qu'il peut, hein, selon sa capacité, alors il a craint Allah comme Allah le mérite. Parce que Allah ne met pas sur une âme un poids qu'elle n'est pas capable de porter. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs, qu'il ne va pas leur faire porter une charge qu'ils ne peuvent pas porter et qu'ils ne sont pas capables de supporter. فالإنسان إذا بذل وسعه في طاعة الله عز وجل وتجنب ما نهى الله عنه فإن الله يعفو عن ما لا يستطيعه الإنسان قال لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فالأوامر يأتي الإنسان منها ما يستطيع أما النواهي فالإنسان يتجنبها كلها لأن الاجتناب سهل على الإنسان. Donc le Cheikh il dit que l'homme il doit dépenser de ses efforts dans l'obéissance d'Allah et faire tout son possible pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit faire tous ses efforts et dépenser toute sa capacité et son énergie pour essayer d'arriver à s'écarter de ce que Allah a interdit, hein? Et si yani, il y a quelque chose qui arrive que l'homme n'est pas capable de faire, n'en a pas la capacité, après avoir fait son effort et tout son possible pour le faire, mais il n'a pas été capable, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va faire preuve de pardon et d'indulgence, hein, pour cette personne-là. Parce qu'elle a fait son possible. Elle a essayé. Hein. Ce n'est pas comme la personne qui dit, par exemple, « Ah, moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de faire la salat. Je ne suis pas capable de faire le jeûne. Je ne suis pas capable de faire ci ou ça. Donc, j'ai craint Allah comme il mérite. » Non. Parce que tu es capable de faire ça. Allah t'a pas ordonné de faire des choses qui sont impossibles. Tu es capable, mais des fois, ce n'est pas une question de capacité. Des fois, c'est une question de paresse. Des fois, c'est une question de négligence Des fois, c'est une question que la personne ne fait pas l'effort nécessaire pour essayer de faire qu'est-ce qui est obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne demande pas l'impossible. Il demande qu'est-ce qui est possible pour l'être humain. Sauf que, dans certaines situations, dans certains contextes, il y a des choses, wa alaykum salam wa rahmatullah, il y a des choses qui dépassent ta capacité. Il y a des choses, il y a des contraintes qui vont s'installer, qui font en sorte que tu ne seras pas capable de faire certaines choses. Hein? Et puis parfois, quelqu'un va tomber dans des péchés par faiblesse ou autre. Donc, l'obligation pour cette personne, c'est de se repentir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je vous ordonne quelque chose, faites-en ce que vous êtes capable. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné beaucoup de choses à faire. Si on regarde par exemple toutes les nawafil, toutes les sunan, hein, et toutes les adhkar, les mustahabbat, les choses recommandées, et tout ça qu'il a ordonné de faire, si on essaie de toutes les faire et de rien laisser de tout ce qu'il a ordonné de faire, on n'aurait pas la capacité de tout faire. Hein? Donc il a dit, par miséricorde pour nous, il a dit, faites-en ce que vous êtes capable. Hein? Et ce que je vous interdis, abstenez-vous-en. Donc le cheikh, il dit l'ordre, l'homme, dans l'ordre, dans les obligations, dans l'ordre, l'homme doit faire tout ce qu'il est capable. Tandis que dans les interdictions, il doit s'en abstenir de toutes. C'est-à-dire, il doit rester à l'écart de toutes les interdictions, parce que ça, c'est quelque chose de facile. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qu'on te demande de faire, c'est quelque chose qu'on t'ordonne de t'abstenir de faire. Donc, le fait de ne pas, si je te dis ne fais pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui te demande de la force ou de l'énergie. Au contraire, c'est de faire cette chose-là qui demande de l'énergie. Ou qui demande de la force ou hein, de la capacité. Mais si je te dis, fais pas le zina, bois pas d'alcool, hein, yani, écarte-toi des choses haram, c'est quelque chose que je te demande d'abandonner et de délaisser. Donc c'est quelque chose qui est pas difficile. C'est pas quelque chose, dans le sens pas difficile physiquement, c'est pas quelque chose qui est lourd pour toi ou qui te demande une charge supplémentaire. Non, c'est quelque chose en fait qui te rend la vie plus facile. C'est comme si tu dis à quelqu'un, rase pas ta barbe. Hein? Qu'est-ce qui est plus facile? La laisser pousser ou la raser? Hein? La laisser pousser, c'est plus facile. Ça ne demande aucun effort. Ça ne demande aucun argent. C'est gratuit. Hein? Tandis que la laisser pousser, c'est ça qui est plus compliqué. Il faut acheter la crème, il faut acheter les rasoirs, il faut chaque jour que tu te rases. Hein? Donc, dans l'interdiction, il n'y a pas de question de capacité là-dedans. Tu t'abstiens et c'est tout. Mais dans les ordres, là, c'est là que vient la question de la capacité, hein, et de l'effort. Après avoir fait l'effort, si tu n'es pas capable, que tu seras excusé. Et en fait, al-istita'a et al-qudra, les ulama, ils ont mentionné que la capacité, c'est même un des principes dans la charia, dans tous les aspects de la charia. Que lorsque quelqu'un n'est pas capable de faire quelque chose, eh bien, son obligation tombe, son obligation tombe. Hein? Et il y a plusieurs exemples de ça dans toutes les différentes formes d'adoration. Donc le cheikh il dit ensuite al-hirs ala al-asbab al-mu'diya li husn al-khatima wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite et ne mourrez excepté qu'en étant musulman, muslimun, soumis, hein, à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit, هذا امر من الله سبحانه وتعالى بان المؤمن لا يموت الا وهو مسلم متمسك بدينه وهل الانسان يملك ان يموت مسلما او ان هذا بيد الله سبحانه وتعالى. هذا بيد الله سبحانه وتعالى ولكن معنى قوله ولا تموتن الا وانتم مسلمون أي أثبتوا على الإيمان وعلى الإسلام ومن ثبت على الإيمان وعلى الإسلام فإنه قد فعل السبب الذي يسبب أن الله جل وعلا يحسن له الخاتمة لأن من عاش على شيء مات عليه فهذا فيه حث للإنسان أن يتمسك بدينه وأن يصبر عليه من أجل أن لا يأتيه منيته وهو على المعاصي فيختم له بخاتمة السوء ومن عاش على شيء فإنه يختم له به فمن عاش على الطاعة ومحبة الله ورسوله فإنه قد فعل السبب الذي يسبب له حسن الخاتمة. Ça, c'est un point très important que le chef il nous mentionne maintenant. Ne mourrez excepté qu'en étant musulman. Il dit ça, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala aux croyants, pour qu'il ne meure pas sans être dans un état d'islam, qu'il soit soumis à Allah et qu'il s'accroche à sa religion. Mais le chef il pose une question. Il dit, est-ce que l'homme possède la capacité de décider s'il va mourir musulman, ou bien est-ce que ça c'est entre les mains d'Allah? Le cheikh il répond, il dit ça c'est entre les mains d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide et qui sait si tu vas mourir musulman ou non. Hein? Et donc ça c'est entre les mains d'Allah. Mais qu'est-ce que ça signifie et ne mourir excepté qu'en étant musulman? Ça veut dire rester ferme sur la foi et sur l'islam. Et celui qui reste ferme sur la foi et sur l'islam, eh bien, il a fait la cause qui fera en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une bonne fin, une bonne conclusion. Parce que celui qui vit sur quelque chose, il meurt dessus. Donc il dit donc, il y a ici une incitation pour que l'homme s'accroche à sa religion et fasse preuve d'endurance, pour que lorsque la mort arrive, il ne se retrouve pas sur un péché et qu'il ne finisse donc pas sa vie sur une mauvaise conclusion, une mauvaise fin. Parce que celui qui vit sur quelque chose, c'est sur ça qu'il termine sa vie habituellement. Et celui qui vit sur l'obéissance et l'amour d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors il a fait la cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une bonne fin. Donc il dit وأما من ارتكب المعاصي والمخالفات فإنه قد فعل السبب الذي سبب له سوء الخاتمة فليحذر الإنسان من هذا. Il dit, mais celui qui fait des péchés et qui contredit la religion, alors il a fait la cause qui va faire en sorte qu'il aura une mauvaise fin, une mauvaise conclusion. Et donc que l'homme fasse attention à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, innama al-a'malu bil khawatim, c'est-à-dire les œuvres ne seront comptées que selon la chose sur laquelle tu termines ta vie. Donc c'est pas important seulement juste de dire bon, dans ma vie j'ai fait que du bien, puis après tu meurs et tu meurs dans une situation mauvaise parce que tu avais abandonné l'obéissance d'Allah, tu avais abandonné la fermeté dans ta religion. Donc en réalité c'est comme si ce verset là c'était pour nous dire, ne vous découragez pas dans votre pratique de l'islam, dans votre foi, continuez toujours à faire des efforts pour rester sur l'obéissance et sur la pratique et sur l'adoration. Et dites pas par exemple, bon ça y est maintenant je suis fatigué, je vais prendre une pause, où je vais m'arrêter là, j'en ai assez. J'ai suffisamment adoré Allah, maintenant je suis fatigué, je vais arrêter un peu. Ou je vais me laisser suivre mes passions un peu. Je vais me relaxer. Et puis c'est à ce moment que tu meurs. Non, il ne faut pas se décourager. C'est des fois, juste quand on arrive à la fin, à la ligne d'arrivée, juste avant, on a baissé les bras alors qu'on était presque arrivé. Donc il ne faut pas se décourager, rester accroché jusqu'à la fin. Et on ne sait pas quand la mort va venir, donc il faut toujours être prêt et se préparer à ça. Le cheikh il dit ensuite, الدعوة إلى الاعتصام بشرع الله وكتابه ثم قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا هذا أمر من الله لنا أن نعتصم بحبل الله بمعنى أن نتمسك بشرع الله. وحبل الله هو القرآن ويراد به أيضا الإسلام ويراد به العهد فحبل الله يراد به الإسلام والقرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc, le Cheikh il mentionne ensuite qu'est-ce qui suit dans le verset 103. Il dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Cramponnez-vous tous. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Il dit, ça c'est un ordre pour nous, que Allah nous donne pour qu'on reste cramponné au câble d'Allah, dans le sens qu'on doit rester accroché à sa législation, et à ses ordres, et à sa loi. Donc le câble d'Allah c'est quoi? Il dit c'est le Coran. Et le câble d'Allah c'est quoi? On veut aussi dire par là l'islam. Hein? Et on veut également dire par ça al-ahd, hein? Le pacte ou l'entente qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut aussi vouloir dire par ça donc l'islam, le Coran et suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam, suivre la sunna. Tout ça, ça a la même signification de toute façon. D'accord? Et le Cheikh il dit, فإذا تمسك به الإنسان نجا كالغريق إذا كان في لجة الماء وتمسك بالحبل الذي ينجو به من الغرق فإنه قد فعل السبب. وكذلك نحن في حياتنا في معترك الفتن والشرور إذا تمسكنا بحبل الله نجونا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. Le Cheikh il dit que l'homme, hein, si il s'accroche à ce câble, il va être sauvé. Comme la personne qui est en train de se noyer, qui est dans l'eau. Il est en train de, hein, se débattre dans l'eau, et puis il accroche cette corde ou ce câble. Hein, et bien, en accrochant ce câble, il va être sauvé. Hein, parce qu'il a fait la cause. Il s'est accroché au câble. Et donc, c'est la même chose pour nous durant notre vie. Lorsqu'on est entouré de différentes fitanes, hein, des tribulations, des problèmes, des épreuves, toutes sortes de choses qui sont mauvaises autour de nous, qui contredisent l'islam. Eh bien, si on s'accroche au câble d'Allah, on va être sauvé de toutes ces fitanes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi et l'imam Ahmad et Ibn Majah et d'autres également. C'est le hadith de Al-Irbad Ibn Sariyah qui est bien célèbre. Hein. Et les ulama ils le mentionnent à chaque fois parce qu'il est très important ce hadith. C'est un des fondements. Il dit, alors celui qui vivra après moi, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui vivra parmi vous après moi verra beaucoup de divergences. Alors, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Cramponnez-vous à celle-ci, hein? Accrochez-vous à celle-ci fermement et mordez dedans avec vos molaires. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et prenez garde aux choses inventées dans la religion. Akhbara sallallahu alayhi wa sallam annaha satakunu fitan. Qalu. وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله. Le Cheikh il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également qu'il y allait avoir des fitanes, il allait avoir des épreuves, des tribulations, des problèmes. Ils ont dit, mais c'est quoi l'issue au messager d'Allah, comment on peut s'en sauver? Il a répondu, le livre d'Allah, yani kitab Allah. Dans un autre hadith il dit le Cheikh, وقال صلى الله عليه وسلم إنني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي وهذا هو حبل الله. Donc le Cheikh il mentionne un autre hadith du prophète صلى الله عليه وسلم dans lequel il dit, je laisse parmi vous deux choses, tant que vous allez rester accrochés à ces deux choses vous n'allez jamais vous égarer après moi, le livre d'Allah et ma sunna. Hein? Donc ça c'est le hadith. Et le Cheikh il explique par la suite en disant, et ça c'est le câble d'Allah, hein? Le livre d'Allah et ma sunna. Il dit, et ça c'est le câble d'Allah. Maintenant le Cheikh il dit, وجوب الاعتصام على الكتاب والسنة. وجوب الاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة. L'obligation de se réunir sur le fait de se cramponner au livre et à la sunna. قوله جميعا. لاحظوا ولاحظوا كلمة جميعا. فإن الله يطلب منا أن نجتمع على كتاب الله وأن يكون لنا هو الهادي والمرشد الذي نسير عليه وأن نترك الأهواء والمخالفات والآراء ونتمسك بحبل الله عز وجل مجتمعين. فجماعة المسلمين كلها مرجعها شيء واحد وهو كتاب الله عز وجل. لشيخ الزي كان الله سبحانه وتعالى dans ce verset il dit واعتصموا بحبل الله il dit جميعا. Et il dit, prenez le temps d'observer la parole, le mot « jami'an », ça veut dire « vous tous hein? ». Et le cheikh, il dit, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande, hein? Il attend de nous qu'on se réunisse ensemble, qu'on soit unis sur le livre, et que ce soit pour nous le guide. Et que ce soit pour nous la source de notre orientation et la voie sur laquelle on marche. Et ça implique également qu'on abandonne et qu'on laisse de côté les passions et les divergences et les opinions. Hein? Et on laisse tout ça de côté et qu'on s'accroche au câble d'Allah, Azza wa Jal, et qu'on s'unisse, hein, tous ensemble, tous les musulmans, et qu'on ramène toutes les choses au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est l'explication. Le cheikh dit wa li hadha yaqul subhanahu yaqul sallallahu alayhi wa sallam inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an wa an ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu وأن تناصحوا ولاة من ولاه الله أمركم ويكره لكم ثلاثا القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Le cheikh il dit c'est pour cette raison que le prophète صلى الله عليه وسلم il dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim et Ahmad l'imam Ahmad et Malik dans le Muwatta, il dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit Allah est satisfait est satisfait pour vous de trois choses et il déteste pour vous trois choses. Il est satisfait pour vous que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui et que vous cramponniez tous au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas et que vous donniez à ceux sur qui Allah a donné le pouvoir sur vous la nasiha, le bon conseil. Et il déteste trois choses pour vous. Al-qil wal-qal, c'est-à-dire de perdre votre temps à raconter des choses. Un a dit telle chose, l'autre a dit telle chose. Kasrat al-su'al, tu demandes trop de questions. Wa idha'at al-mal, de perdre, gaspiller de l'argent. Donc ça, c'est les trois choses en question. Le cheikh, il dit, هذه الثلاث التي يكرهها الله لنا فقوله صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا فهذا فيه إصلاح العقيدة من الشركيات والبدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. لا يكون هناك مناهج غير الكتاب والسنة ولا يكون لنا طرق ولا يكون لنا متبوعون غير الكتاب والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Le cheikh il dit ces trois choses, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous si on les fait, et trois choses que si on les fait Allah les déteste pour nous. Parmi les trois choses qu'il est satisfait, parmi les choses qu'il est satisfait de nous si on les fait, c'est qu'on adore Allah et qu'on n'associe rien avec lui. Il dit, il y a dans ça dans cette première chose, le fait de réformer la aqida, c'est-à-dire de purifier notre croyance. C'est-à-dire que si dans notre croyance il y a des formes de shirk, des shirkiyat, ou bien il y a des formes d'innovation, des bid'ah, ou des khurafat, des superstitions, des choses fausses qui sont basées sur aucune preuve, sur lesquelles Allah n'a fait descendre aucune preuve, s'il y a ça, des choses comme ça dans notre aqida, ou dans la aqida des gens autour de nous, eh bien il faut les corriger, il faut les réformer. Et ça ne peut être fait qu'en suivant le Coran et la Sunna, et en ramenant les questions au Coran et à la Sunna. Donc il n'y a rien d'autre qui doit être suivi par nous excepté le Coran et la Sunna. Ça doit être notre référence et notre source. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset dans le Coran, dans surat An-Nisa, le verset 59, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, c'est-à-dire vous divergez, peu importe la chose dans laquelle vous divergez, peu importe que ce soit grand ou petit, vous la ramenez à Allah et à son messager. Si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion ou interprétation. » Eh bien, ça c'est la solution pour régler les problèmes. Ramener les questions et les problèmes de divergence à Allah et au messager, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna. Le problème, pourquoi on a toujours des divergences et des problèmes entre nous, c'est parce qu'on ne ramène pas nos divergences et nos problèmes à Allah et au messager. On ne ramène pas nos problèmes et nos divergences au Coran et à la Sunna. Et qui connaît le Coran et la Sunna et qui est capable de ramener les questions et de clarifier les questions sur rapport avec ces choses-là, c'est les ulama. Hein? Donc si on a des problèmes entre nous, des divergences entre nous, eh bien on les ramène, on doit les ramener aux ulama. Et c'est eux qui vont nous aider à clarifier ces questions. Mais le problème, beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, ils les laissent traîner pendant des années et des années et des années et des années, et ils ne les ramènent jamais aux ulama. Et ces choses-là deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus grosses, de plus en plus grosses, jusqu'à ce qu'après ça éclate. Hein? Donc moi j'ai toujours dit, souvent je dis toujours ça à des frères, je dis subhanallah, quand vous regardez les communautés dans différentes villes, dans différents pays, regardez les communautés des frères qui sont salafs et qui s'accrochent au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salafs. Et regardez celles d'entre elles qui sont vraiment solides et celles d'entre elles qui sont vraiment fortes. Et regardez les autres communautés dans des autres endroits où vous voyez que la communauté des frères qui sont salafis, qui s'accrochent au Coran et à la Sunna selon la compréhension des salafs salih, elle est faible et elle est divisée. Et vous allez les observer et vous allez remarquer des facteurs et des éléments qui les distinguent. Et parmi les choses qui les distinguent le plus, vous allez voir que le fait que ceux des communautés salafies qui sont plus fortes, qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est qu'elles se rapprochent plus des ulama et qu'elles ramènent leurs divergences aux ulama. Et celles qui sont faibles et qui sont divisées, c'est qu'elles ramènent moins leurs affaires aux ulama. Plus on est proche des ulama, plus on va être unis. Et plus les divergences qu'on a vont être facile à clarifier. Mais plus qu'on s'éloigne des ulama, et moins on ramène nos divergences aux ulama, moins nos situations vont se corriger et nos problèmes vont se régler. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quand vous regardez dans certaines régions, dans certains pays, certaines communautés, que vous voyez les frères qui sont salafis, qui sont unis, qui travaillent ensemble, qui font beaucoup d'efforts dans la da'wah, et qui sont proches des ulama, ils ont des problèmes parfois, c'est normal. On ne peut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème, non. Sauf que quand ils ont ce genre de problème, ils contactent les ulama, et c'est très facile pour eux de les régler par la suite. Mais les autres communautés, qui les gens, ils essaient de faire tout par eux-mêmes, et régler les problèmes par eux-mêmes, sans demander le conseil aux ulama, eh bien, c'est souvent ces choses-là, elles vont jamais se régler. Et ça va toujours continuer comme ça, de cette façon-là. Et aussi, le fait que parmi les gens qui composent cette communauté-là, il y a des frères qui ont du ilm. Et qui vont, s'ils n'ont pas l'ilm, chercher le ilm. Ils vont pas rester pendant des années comme ça, sans aller chercher les causes et faire les causes nécessaires pour augmenter leur connaissance ou leur capacité d'apprentissage, leur arabe, ou la connaissance des principes de la charia, hein, et des règles de la religion. Les frères, ils vont partir 5 ans, 10 ans, 15 ans, ou plus, ou moins, selon sa capacité, et ils vont profiter premièrement pour eux-mêmes, et quand ils vont revenir, ils ramènent cette science aux autres, et ils collaborent avec les autres, et ils s'entraident entre eux, dans la bonté et dans la piété. Et c'est comme ça que cette communauté devient plus solide et qu'elle devient plus forte. Mais si chacun reste assis sur sa chaise et attend seulement qu'on lui amène tout, et que personne n'est prêt à faire le sacrifice de sa personne, de son temps, de son énergie, pour aller chercher la science, on reste toujours au même niveau. Et puis, on perd beaucoup de temps. Donc, le cheikh, il explique, il dit, on ramène nos problèmes au livre d'Allah, à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et on part de ces sources-là et de ces références-là. C'est ça nos sources, c'est ça nos références. Ittiba' al-kitab wa sunnah tariq lil-ijtima'. Plus on va s'accrocher au Coran et à la sunna, plus on va s'unir. Le cheikh, il dit, wa hadha daman min al-ikhtilaf wa al-tafarruq. أما إذا أحدثنا مناهج وطرق وسنن مخالفة للكتاب والسنة فإننا نهلك كما قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا معوجة وقال للمستقيم هذا سبيل الله وقال للمعوجة هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها وهذا توضيح من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة وبيان واضح أن من ترك الاعتصام بكتاب الله فإنه يذهب مع الشياطين ومع الطرق المعوجة. Donc le cheikh, il dit que maintenant, si on s'accroche au Coran et à la Sunna, ça c'est une chose qui va faire en sorte que on va être protégé. Et ça garantit qu'on va être éloigné des divergences et de la division. Regardez parmi les gens, parmi les musulmans, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit, peu importe, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, peu importe, là où il y a des communautés des musulmans. Vous allez voir qu'il y a, il y a beaucoup de divergences entre les musulmans. Parce qu'il y a, il y a des différentes façons que ces gens-là utilisent pour comprendre la religion. Ils n'ont pas tous comme référence les mêmes références. Hein? Et ils ont d'autres, certains ont d'autres méthodologies, certains ont d'autres croyances même. Des croyances qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna. Et des croyances qui sont en contradiction avec la compréhension des salafs. C'est pas possible qu'ils sont tous sur la même aqidah. C'est pas possible qu'ils sont tous sur le même manhaj. Parce que s'ils étaient tous sur la même aqidah, sur le même manhaj, ils seraient pas tous divisés. Et c'est un principe de la religion, mais en même temps même, c'est quelque chose d'élémentaire. Dans même toute personne rationnelle, n'importe quel, même un enfant, il peut comprendre ce principe-là, c'est que deux choses qui sont opposées ou contradictoires ne peuvent pas être vraies en même temps. Deux choses qui s'opposent ou qui se contredisent ne peuvent pas être vraies en même temps. Si quelqu'un dit une chose, puis l'autre dit son contraire, eh bien, il y en a soit un qui a raison, et l'autre qui a tort. Mais les deux ne peuvent pas avoir raison en même temps. Hein? Donc, soit qu'un de ces manhaj est vrai, ou l'autre est faux. Mais ils ne peuvent pas être vrais en même temps. Hein? Et il y en a parmi les musulmans, parmi ces gens-là, qui vont à l'opposé de ce que Allah dit dans ces versets-là. Puisque dans ces versets, Allah il dit quelque chose qui est clair. Accrochez-vous tous au câble d'Allah. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Et ne vous divisez pas. Ça veut dire que la division, c'est haram. Ça veut dire que la division, c'est haram. C'est un péché. C'est comme manger du porc. Hein? Les gens ici, ils comprennent souvent, les gens qui pratiquent l'islam, ou ceux-mêmes qui ne pratiquent pas l'islam, si tu lui montres l'exemple de qu'est-ce qui est haram, tu lui dis le porc, il comprend tout de suite. Ça, c'est haram. Mais tu lui parles de la division dans la religion, il ne comprend pas. Hein? Le porc, ça, c'est évident, parce que c'est clair, il y a des versets. Mais pourtant, la division aussi, il y a des versets. Et ces versets-là, ils sont clairs. Mais pourquoi vous pensez, quand on vous parle de haram, on vous parle du porc, là, vous comprenez clairement tout de suite, facilement. Mais on vous dit la division est haram, là, tout d'un coup, vous commencez à philosopher. Hein? Là, il y a un problème. Parce que quand vous regardez maintenant, il y a des groupes parmi les musulmans qui sont en train de dire que l'islam, c'est bien qu'il y ait de la divergence et des divisions dedans. Que la divergence et que la division, c'est une miséricorde. Hein? Il y en a qui disent ça. Ils disent l'ikhtilaf rahma. Et pourtant, il n'y a aucun hadith qui dit ça. Et même que le Coran, Allah dit dans le Coran, un verset qui oppose ce verset-là, et qui oppose cette parole de façon claire et directe. Hein? « وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ » Ils vont continuer à être divergents, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde. Donc ceux qui ont la miséricorde d'Allah ne divergent pas. Ceux qui divergent, c'est ceux qui n'ont pas la miséricorde d'Allah. Donc la divergence n'est pas une miséricorde. C'est faux de dire ça. Et ceux qui attribuent cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils doivent savoir que cette parole n'a même pas d'isnad. C'est pas un hadith. C'est même pas un hadith daïf. C'est fabriqué. C'est même pas un hadith. Donc, la divergence, c'est pas une miséricorde. Et il y en a d'autres qui disent, oui, c'est bien qu'il y ait des sectes et qu'il y ait des groupes. Parce que c'est quelque chose qui va montrer la diversité de l'islam. Hein? Est-ce que les sahaba ont été sur cette diversité-là? Hein? Non, ils étaient tous sur une seule aqida. Ils n'ont jamais divergé dans l'aqida. Ils n'ont jamais divergé dans le manhaj. Ils n'ont jamais divergé dans les bases de la religion. Ils étaient toujours et tous unis. Hein? Sur une seule et même aqida et un seul et même manhaj. Donc, comment vous dites que c'est de la diversité? Et il y en a d'autres parmi les soi-disant islamistes, islamologues, ou je ne sais pas, hein, les philosophes de l'islam du XXe siècle, comme Tariq Ramadan et autres, qui disent que dans l'islam, il y a, comme qu'est-ce qu'ils appellent, le pluralisme religieux, hein, le multipartisme politique et des trucs de ce genre, et qu'il y a la liberté de croyance. Quelqu'un peut croire en ce qu'il veut. Il y a même Tariq Souaydan qui a dit dernièrement que si quelqu'un veut s'objecter au prophète, il a le droit. Que si quelqu'un veut s'objecter à Allah, il a le droit. Hein? Et il a même dit dans une conférence qu'il a donnée au Canada, il a dit la preuve qu'on peut avoir plusieurs partis politiques, même non musulmans, dans un pays musulman, c'est l'exemple de Médine. À Médine, il y avait les juifs, il y avait les chrétiens, puis il y avait les munafiqines. Et il y avait les musulmans. Ça, c'est la preuve qu'on peut avoir plusieurs partis politiques. Quelle sorte de compréhension de l'islam ces gens-là ont ramené? Et d'où est-ce qu'ils ont sorti ces idées-là? Que aucun savant avant eux n'a jamais mentionné. Et qui sont en opposition directe et claire avec ce que Allah dit dans le Coran et dans la Sunna. Et donc, c'est ça ce qui se passe. Maintenant, aujourd'hui, on a cette catégorie-là. Parmi les Ikhwan aussi, les frères musulmans, qui disent qu'on doit s'unir sur les choses sur lesquelles on est d'accord, avec tout le monde. les musulmans, les non-musulmans, les différentes sectes, c'est pas grave. Soufi, Shia, Khawarij, Takfir, Asha'ira, Maturidiya, Mu'tazila, peu importe la tendance, peu importe le groupe, même les laïcs, les démocrates, les libéralistes, etc. On s'unit ensemble. Et on s'excuse sur les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Si on a des divergences, même dans les fondements de la religion, on s'excuse. On travaille ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Hein? Ça, c'est un autre exemple d'égarement que ces gens-là ont ramené. Et donc, d'essayer de rendre excusable ou permise la division dans la religion. Et à l'opposé de tout ce que ces gens-là essaient de propager maintenant parmi les musulmans dans la communauté de l'islam, en Europe et en Occident, et même dans les pays arabes maintenant, eh bien, il y a les versets du Coran qui opposent ces gens-là. Il y a les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui opposent ces gens-là. Il y a les paroles des salaf al-salih, en commençant par les sahaba, les tabi'in et ceux qui les ont suivis, qui opposent ces gens-là. Donc ils se mettent en face des armées de l'islam, comme Ibn al-Qayyim. Il a écrit un livre qui s'appelle « Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya », le rassemblement des armées de l'islam. Si tu entends ce titre, tu te dis « Waouh, ça c'est un livre sur le djihad ». Et pourtant, c'est un livre qui réfute les Mu'tazila. C'est un livre qui réfute les Jahmiya, qui nie les attributs d'Allah. Et c'est quoi ces armées qui se rassemblent dans ce livre? C'est les versets du Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, les tabi'in, les tabi'in et les imams de l'islam à travers l'époque, à travers les siècles, qui ont tous affirmé les attributs d'Allah. Et c'est ces armées-là qu'il a ramenées ensemble pour affronter ces gens de bid'ah et d'égarement qui essaient de déformer la religion d'Allah. Donc, est-ce qu'ils ont une chance? Ceux qui opposent ces armées, est-ce qu'ils ont une chance? Ils n'ont aucune chance. Ils sont devant une armée qui ne peut être renversée, qui ne peut être écrasée. Eh bien, c'est la même chose avec ces gens qu'on a devant nous aujourd'hui, qui veulent faire croire aux gens qu'ils ont quelque chose, alors qu'ils n'ont rien. Puisque tous les fondements de la religion sont à l'opposition de ce qu'ils ramènent et de ce qu'ils disent. Mais malgré tout, ils osent quand même essayer, avec l'affront qu'ils ont, de s'opposer à la vérité de cette façon-là. Et ils voient que les gens qui sont salafis, qui s'accrochent au Coran et à la Sunna, sont peu nombreux, qu'ils ont parfois une science ou une connaissance ou un niveau d'études limité. Alors ils essaient de faire des parades et ils essaient d'enjoliver leur discours pour essayer d'attirer les gens, puis de les dévier du droit chemin, de les faire sortir de la voie qu'ils doivent suivre. Et donc ils essaient de pointer du doigt maintenant les salafis. Ils vont dire, mais eux, ces gens-là, c'est eux qui causent la division dans la Ummah. C'est eux qui font la fitna dans la Ummah. C'est eux qui vous divisent. Pourquoi? Parce qu'ils nous interdisent d'être divisés. Subhanallah. Quand celui qui dit « Ne soyez pas divisés et restez unis sur la vérité », ça divise. Mais ceux qui vous disent « Il y a du pluralisme, il y a la liberté de croyance, vous avez le droit de faire... » des partis islamiques et de partis non islamiques et de penser qu'est-ce que vous voulez. Ceux-là, non, ils ne divisent pas eux. Eux, c'est eux qui font l'unité. Donc ça, c'est comment ces gens-là ont réussi à renverser les choses à un point que les gens pensent le contraire de qu'est-ce qui est évident, le contraire de qu'est-ce qui est clair aux yeux de tous. C'est parce que c'est des maîtres. Ce sont des gens qui sont devenus des maîtres dans l'art du telbis, dans l'art de tromper et de mélanger la vérité et le faux, de faire croire aux gens le contraire de ce qui est réel et ce qui est vrai. Et ces gens-là, ce sont des gens qui ont des méthodes sournoises pour faire dévier les musulmans, et en particulier les jeunes. Parce qu'ils s'unissent entre eux et ils forment des groupes. Et ces groupes-là sont souvent établis autour de, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, des bay'at, des allégeances. Ils donnent à un d'entre eux, qu'ils appellent l'amir, une allégeance en secret, qu'ils doivent l'obéir dans tout ce qu'il dit. Et celui qui désobéit, il est exclu. Hein? Et quand il donne un ordre, il faut l'obéir. Et il y a un exemple de ça qui m'est revenu à l'esprit en réfléchissant à l'exemple du Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah. À l'époque, il y a parmi les Ikhwan qui avaient compris que Cheikh al-Albani, c'est un grand savant de l'islam qui donnait des durus et qui enseignait. Alors il a dit, moi je veux profiter de la science de cet homme, je veux profiter de son ilm, hein? Je veux augmenter ma connaissance de la religion et ma compréhension de la religion. Alors je vais assister à ses durus. Mais il fait partie du groupe des Ikhwan. Mais il a dit, quand même je vais y aller. Il est allé, commence à écouter les durus de Cheikh al-Albani, et il commence à dire, Masha'Allah, on profite beaucoup, on apprend beaucoup de choses bénéfiques sur notre religion. Des choses qu'on ne nous a pas apprises quand on est avec les Ikhwan, parce qu'eux, ils sont trop occupés à parler de politique ou à parler de d'autres choses, à faire des pique-niques, à faire des barbecues, à faire des sorties dans les parcs ou des voyages organisés pour... Donc, à force de jouer puis de s'amuser, maintenant à Montréal, ils font des soirées. Ils invitent les jeunes dans les mosquées la nuit pour jouer au ping-pong, dans la mosquée pour jouer au PlayStation. Hein? Et puis, entre-temps, ils vont leur donner un petit dars pour leur inculquer certaines bases de leur hizbiya. Hein? Et puis, garder les jeunes sous leur contrôle. Et les avertir surtout contre les salafis. Et bien, c'est ça qui est arrivé justement à l'époque. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est ça qui est arrivé à l'époque de Cheikh al-Albani. Donc, ce frère qui est allé étudier avec Cheikh al-Albani, il a reçu des lettres d'avertissement du quartier général des Ikhwan. Il a reçu ces lettres qui lui disaient, on a su que tu assistais au durus de Cheikh al-Albani et on t'avertit que si tu continues à assister à ces cours, tu seras exclu du groupe. Tu ne feras plus partie des Ikhwan musulmans. On va te mettre à la porte. Hein? Et ça, quand on parle de Hizbiya, c'est de ça qu'on parle. Les gens, ils parlent des fois, ils mentionnent par exemple Hizbiya, qu'est-ce que ça veut dire Hizbiya, c'est quoi le Hizb, et ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce que ça signifie. Un Hizb, quand on parle de Hizbiya, c'est tout groupe de personnes qui sont réunies entre eux sur des croyances ou des principes qui sont en contradiction avec le Coran, la Sunna et les fondements des salafs salih. Si des gens sont réunis et que parmi les principes et les fondements sur lesquels ils se basent pour être ensemble et sur lesquels ils se basent pour faire al-wala ou al-bara, c'est autre que le Coran et la Sunna et les fondements des salafs et les fondements de l'islam et de la Sunna, alors ça c'est qu'est-ce qu'on appelle, ça rentre dans qu'est-ce qu'on appelle al-hizbiya ou bien le sectarisme. Hein? C'est des formes de sectes, des groupes, toutes les sectes, tous les groupes de bid'a et les sectes de bid'a, ou des gens qui s'unissent sur une bid'a ou quelque chose qui oppose les fondements du Coran et de la Sunna, ce sont des gens de Hizbiya, peu importe. D'accord? Donc, ça c'est un exemple de Hizbiya. Que tu vas faire al-wala ou al-bara sur le groupe. Et donc c'est comme ça, des fois tu vois ces gens-là, ils se mettent en garde les uns les autres contre les salafis et contre ceux qui appellent à la salafie. Fais attention, écoute pas le salafi. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'ennemi numéro un de ces gens-là, celui qu'ils détestent le plus ou qu'ils détestent tous, c'est par exemple parmi les ulama, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Et ils disent, lui, il n'est pas bon, parce qu'il met les gens en garde contre nous. Mais eux, ils peuvent mettre en garde contre les salafis, ça c'est pas grave, c'est permis pour eux. Mais mettre en garde contre eux, contre les Ikhwan, contre les Sururiyah, contre les Qutbiyah, contre les Takfiriyin, contre les Khawarij, non, ça c'est interdit. Donc ça c'est le jeu qu'ils jouent. Et la différence avec les ulama d'Ahl Sunnah qui mettent en garde, et eux, qu'est-ce qu'ils font comme mise en garde? C'est quoi la différence? C'est que les ulama d'Ahl Sunnah, alhamdoulilah, quand ils mettent en garde, ils mettent en garde ouvertement, avec preuve, avec les paroles de la personne et ses écrits, et avec les références. Et ils mentionnent pourquoi cette personne, on doit s'en écarter ou faire attention. Tandis que eux, ça se fait toujours en secret. Et ça se fait dans les coulisses. Et c'est comme j'avais dit avec les allégeances ou les serments qu'ils donnent en cachette, les bay'at, qu'ils se donnent les uns aux autres. Toi, tu le sais pas. Mais eux, ils le savent entre eux. Et ils n'appellent pas tout le monde à donner l'allégeance. Ils choisissent leur personne. Choisissent les personnes à qui ils vont demander ces choses-là. Et c'est des gens qui travaillent comme ça, en secret. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici, c'est ça. C'est que si vous voulez être protégé de la divergence et de la division, de tout ce que ces gens-là ont ramené comme innovation dans la religion, ou comme voie, qui oppose le Coran et la Sunna, eh bien, vous devez vous accrocher au droit chemin, au Sirat al-Mustaqim. Et c'est ça que le cheikh, il dit, que si tu suis ces innovations-là, et ces voies, et ces groupes, et ces hizbiyin, et que tu contredis en faisant ça le Coran et la Sunna, tu vas périr. Et il mentionne le verset 153 dans Surat al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de son chemin. Voilà ce en quoi il vous enjoint pour que vous puissiez avoir at-taqwa. Et ce verset-là, il a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son exemple. Dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un trait par terre qui est droit. Et il a tracé à gauche et à droite de ce trait des petits sentiers, des petits traits courts. Et il a dit à propos du chemin ou du trait qui est droit, voici le chemin d'Allah. Et il a dit à propos des petits sentiers qui sont à gauche et à droite et qui sont pas droits, il a dit ça c'est les sentiers, il y a des petits sentiers qui vous divisent. Et à la tête de chacun de ces petits sentiers-là, il y a un shaitan qui invite les gens à le prendre. Et, bien entendu, quiconque prend ce sentier-là, il sera jeté dans le feu. Donc, ça c'est pour donner la clarification et pour expliquer le verset. Et le droit chemin, ça représente quoi? Ça représente Ahl Sunnah wal Jama'ah. Ça représente As-Salafiyyah. Ça représente Al-Firqatul Najiyah, le groupe sauvé. Ça représente Al-Ta'ifatul Mansoura, le groupe victorieux. Ce sont des différents noms pour désigner un seul et même groupe, Al-Jama'ah, qui est ceux qui restent accrochés sur la vérité, accrochés sur ce que suivaient les Sahaba et les Tabi'in et les Tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Donc ça c'est ce droit chemin-là. Et les petits chemins qui sont à gauche et à droite, c'est quoi? C'est les voies des hizbiyin, des gens de bid'a. et de toutes les différentes sectes. Hein? Les Ikhwan, Tablir, les voix de Takfir, les gens de Takfir, hein? Les gens de différents groupes, Hizb al-Tahrir, hein? Et toutes les autres tendances que vous pouvez trouver, les Soufis et les autres sectes du passé et du présent, qui sont représentées dans ces groupes-là. Le Cheikh, il dit ensuite, وهذا توضيح من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة وبيان واضح أن من ترك الاعتصام بكتاب الله فإنه يذهب مع الشياطين ومع الطرق المعوجة. Donc ensuite le cheikh il explique, et on va finir avec ça. Le cheikh il explique سبب النزول للآية. Il explique la cause de la révélation du verset 103. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis et qu'il a réuni vos cœurs et que vous êtes devenus des frères par sa grâce. Le chef explique la cause de la révélation de ce verset. Je ne vais pas le lire, je vais juste l'expliquer. Parce que yani c'est une histoire, donc je ne vais pas lire qu'est-ce que le cheikh a dit en arabe, je vais seulement le traduire directement pour que ce soit plus rapide, puisque la prière d'Asr approche. Donc le cheikh il explique que ce verset il a été révélé au sujet d'une bataille qui s'étaient produites avant l'islam. Parce que les gens de Médine, à l'Ansar, avant l'islam, ils composaient deux tribus qu'on appelle Al-Aws ou Al-Khazraj. Et ces deux tribus-là, avant l'islam, avaient des guerres interminables. Hein? Et des fois même, une de ces guerres-là avait duré 100 ans, hein, entre ces deux tribus. Alors, parmi les gens de Médine, il y avait des juifs et ils ont essayé justement, après que les Ansar soient devenus musulmans, de rallumer le feu de ces différentes animosités pré-islamiques pour diviser les musulmans. Donc, parmi les juifs, il y en a un qui s'est assis parmi eux un jour et qui commence à réciter les poésies satiriques que certains d'entre ces gens-là récitaient avant l'islam pour s'insulter et se moquer les uns des autres, pour essayer de faire renaître la flamme de cette haine, hein, et de ces guerres qui existaient avant. Alors, le shaitan, est donc, par l'intermédiaire de ce juif, essaie de raviver ces choses-là et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset justement à propos de cette personne qui essaie de faire ça, et c'était pour rappeler justement aux musulmans la grâce qui est venue sur eux et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils soient devenus des frères et qu'ils ont été unis après avoir été des ennemis, hein, et c'était le verset 103. Donc au moment où les musulmans, les Ansar ont entendu ce verset là eh bien le cœur, l'animosité qui était dans le cœur des Ansar est partie. Et ils se sont tous fait l'accolade. Ils se sont tous embrassés. Et qu'est-ce que ce juif-là avait essayé de faire? Eh bien, ça a échoué. Hein? Et ça n'a pas eu d'impact. Donc, le cheikh, il fait comme conclusion à propos de ce qu'il a mentionné comme cause de la révélation de ce verset. Il dit, regardez donc, au serviteur d'Allah, comment les ennemis de l'islam, dans le passé comme à l'époque actuelle, ils essaient de vous diviser. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de faire en sorte que vous, hein, ne vous réunissiez pas sur le Coran et sur la Sunna. Et cette petite partie-là, c'est très important, que le fait d'être unis, c'est pas comme le fait de s'unir selon la notion des hizbiyin, des gens de bid'ah. D'être unis juste ensemble. On s'unit ensemble, on mange, hein, quand ils font leurs activités, il y a toujours de la nourriture parce que ils savent que les gens aiment la nourriture. Donc les gens vont venir. Hein? Si on avait annoncé qu'il y avait de la pizza ici, peut-être que la place, il y aurait des gens dehors, là. Il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde. Mais étant donné qu'il n'y a que du ilm, eux, ça ne les intéresse pas, donc ils ne vont pas venir. Hein? Allah musta'an. Mais, c'est pour dire, ils utilisent des choses pour réunir les gens. D'accord, on va être unis. Et ils parlent de fraternité, mais ce n'est pas une fraternité basée sur une connaissance, sur du ilm et sur une compréhension correcte de la religion. C'est basé sur de l'émotion, c'est basé sur des sentiments. C'est pas basé sur une aqidah, du ilm et la sincérité. Donc, c'est s'unir sur ça qui est important. S'unir sur la aqidah, s'unir sur le Coran, s'unir sur la sunna, s'unir sur le haqq. Pas juste de s'unir comme ça. Sinon, on peut s'unir avec tout le monde. Hein? Et c'est pas ça le but. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. À propos des juifs, tu crois qu'ils sont ensemble alors que leurs cœurs sont divisés. Donc c'est pas ça qu'on veut, nous. On veut pas être ensemble puis que nos cœurs un ils détestent l'autre. On veut qu'on soit ensemble et qu'on s'aime tous les uns les autres pour Allah, parce qu'on suit la vérité. Hein? Donc il dit cet événement là donc ça nous rappelle toujours que ils essaient de tout faire pour nous diviser. Et regardez aujourd'hui la même chose. Les koufars, ils essaient toujours de diviser les musulmans et de faire en sorte qu'il y ait de l'animosité et de la haine entre eux. Et ils ne veulent pas qu'ils s'unissent. Hein? Et si vous voyez par exemple, quand les musulmans qui suivent le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs commencent à essayer d'appeler les musulmans en général à s'unir sur le haqq, vous allez voir les réactions de ceux-là. Les réactions des Hizbiyin, les réactions des Kuffars. Hein, ils vont tout faire pour nous diviser. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'il faut se rappeler la parole d'Allah lorsqu'il dit « Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. » Parce que la division, c'est quelque chose qui est mauvais, c'est une fitna, et c'est quelque chose qui ramène que du mal. Donc la solution de ça, c'est de retourner au Coran et à la Sunna. Ça, c'est la conclusion de la première partie, Inch'Allah, de cette explication du Cheikh. Et on aura l'occasion de continuer l'explication dans une autre session, Inch'Allah, plus tard, bi'ibnillah. Donc on s'arrête maintenant. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.